voiture aujourd'hui, soirée de gala. Comme un papillon par la lumière, je me sens attiré là-bas. Ce soir encore, je me sors, je vais aller dans un casino de quartier. Je vais faire fortune sur le tapis vert, rattraper ma déveine d'hier. Lumière tamisée, joueurs serrés autour du croupier. J'hésite à miser tout mon bel argent plastique. Le regard comme hypnotisé, fixé sur la petite boule qui tourne, tourne, tourne encore. Va-t-elle s'arrêter? C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Quand t'as des gains, tu passes pas la main. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Et quand tu perds, tu veux te refaire. Je prends ma plus belle plaque et la dépose sur un numéro. Le cœur battant, les yeux fermés, je mène déjà la vie du château. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Seul le cliquetis de la bille d'acier emplit, emplit, remplit ma tête, m'empêchant presque de penser. Rouge impair et manque, mon intuition m'a encore trompé. Une seule solution, il faut changer de manière de jouer. Je vais recommencer et je vais gagner. Persévérer finira par payer. J'ai toute la nuit pour triompher, toute la nuit pour calculer. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Quand t'as des gains, tu passes pas la main. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Et quand tu perds, tu veux te refaire. 5 heures du matin, je rentre chez moi fauché. J'ai joué, gagné, perdu. Faut dire que le sort ne m'a pas aidé. Tout le monde rêve, tout le monde s'imagine que sa malchance se termine. Les cœurs s'arrêtent, les mains se crispent. Est-ce enfin la fin de l'éclipse? C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Quand t'as des gains, tu passes pas la main. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Et quand tu perds, tu veux te refaire. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Quand t'as des gains, tu passes pas la main. C'est l'enfer du jeu, le cercle vicieux. Et quand tu perds, tu veux te refaire.